بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنستوعب تدريبات الدرس السادس. كذا؟ السادس. أولا قلنا الأسئلة. Les questions. أجيب الأسئلة التالية. هل الحي الذي يسكنه عثمان جديد أو قديم؟ يسكن في حي جديد جديد حي جديد La réponse en vrai ce serait هو حي جديد. Il te demande pas où est-ce qu'il habite. Il te demande le quartier dans lequel il habite, est-ce qu'il est kaza ou kaza ou kaza. Fahimt? Toi ta question, ta réponse, ça revient à ce qu'il avait dit. Aina yaskun Othman. Taqul yaskun fi hayyin jadid. Alors ils te disent hal al hayy. En fait, non, même pas afwan. C'est nam amla, tu dis là. C'est hal al hayy allazi yaskunu Othman jadid aw qadim. Ah ouais, afwan, nam, c'est hal. Tu dis on peut répondre à amla. Hein? Taqul huwa jadid. Ah, jadid. Ou taqul huwa qadim. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Huwa jadid. Nam. À la base, il n'y aurait pas eu le choix à la fin, ça aurait été Nam Amla. Ils auraient dit Hal al-Hayy al-Lazi yaskunu Othman Jadid. Ils auraient dit Nam. Thaniyan, Manur al-Ghurafi wal-Hammami wal-Madbakhi al-Lati yuriduha Abdullah. Yuridu Nou'an wasi'atan. Nou'an wasi'atan. Wasi'atan. Wasi'an. Il veut un grand, un genre large, un grand. Car Nour, le Wasi'an, c'est le sifa de Nour. Et Nour, c'est un Muzakkar, c'est un mot Muzakkar. Wasi'an. On met tout le temps un alif, c'est comme ça, à la fin, du coup. Vu qu'il est. Mansoub. Ouais. À la base, c'est un Tanouin. Mais pas d'alif. Et Tanouin, il se met sur le Tanouin, tanouin Fatha. En fin d'un mot, il se met sur un alif. Donc, alif al-Imad, il s'amma. نعم. ثالثا لماذا قال عثمان لعبد الله اطمئن؟ لأنه يخاف أن لا يجد منزلا بل لا يجد شقة على الكيفية التي يريدها على الوصف الذي يريده qui trouve pas un choc comme lui il le cherche avec des grandes pièces. يعني لا يجد شقة على النوع المناسب له. فهمت؟ qui trouve pas un choc dans le genre qui lui convient à lui. Donc il lui dit t'inquiète pas, il y a beaucoup de choix, tu vas trouver inshallah. طيب قال كيف يستطيع عبد الله ان يجد شقة مناسبة؟ سيبحث في الصحف الإعلانات وفي مكتب عقارية أو تدي في مكاتب عقارية أو تدي في مكتب عقاري في مكتب لا تمي صفة مؤنث موصوف مذكر. Eux, ils ont mis Aqariya parce que c'est Makatib, c'est un djem. Djem al aqir, c'est comme un Mufrad Mouannaf. Donc si tu dis Maktab, tu dis Aqari. Tu ne mets pas de ta. Il reste masculin. Aqari. Et si jamais tu mets Makatib, naam, là tu mets Aqariya. Le ta. Makatibou. T'as mis Makatib ? Ouais, Makatibou. Il y a Makatiba plutôt. Naam. Makatiba, Aqariya. عقاريتي تن نعم إلى أين يذهب عبد الله إذا أراد أن يسأل عن مسكن؟ هذا جميل طيب إلى مكاتب العقارية في المكاتب العقارية طيب سادس ما المكاتب العقارية؟ مكان الذي فيه إعلانة شقاقين يوجد فيه ماذا؟ إعلانة شقاقين. شقاقين. نعم. Dans lequel il y a des annonces d'appartements. Ah. Vide. Libre. نعم. سابعاً لماذا عبد الله مشهور في هذه الأيام؟ إنه لأنه يبحث مسكناً. عن مسكناً. Quand tu يبحث بحث tu dis عن cherche quelque chose c'est بحث عن. Nima alam, j'ai jamais entendu sans عن. S'il y a je connais pas. Après on avait dit Arabia. On avait fait le Arabia ensemble. Khamis, c'est mettre les questions aux réponses suivantes. Uridu an astajira shaqqatan wasi'atan. Ktabtu madha madha yurid? Madha yurid? Là. C'est quoi la question, la réponse? Ou uridu ou ay ana? Madha turid? Aywa. Madha turid? Hada. ثانياً في الحي مكاتب عقارية كثيرة. أين تبحث؟ اسمع جيداً في الحي مكاتب عقارية كثيرة. Dans le quartier, il y a beaucoup d'agences immobilières. بعدين يا هندو. في المكاتب كيف؟ Là c'est une question qui va être avec Eina. Par exemple. Parce qu'il parle d'un lieu. لا مثلا انت بدي اين اجد مكاتب عقارية اين يجد مكاتب عقارية في الحي مكاتب عقارية كثيرة انت بدي هل في الحي مكاتب اقول في الحي مكاتب عقارية كثيرة هل عليك هل Ouais, c'est vrai que sur TL, il aurait fallu un âme. أفضل الذهاب إلى أحد المكاتب العقارية. أين تفضل الذهاب؟ أين تفضل الذهاب؟ أين؟ تفضل الذهاب؟ نعم. لا، إلى أين؟ تفضل الذهاب. لأن الذهاب إلى متعلق إلى متعدي بإلى c'est comme ذهب donc tu vas dire إلى أين فهمت إلى أين تفضل الذهاب comme lui dans la réponse est venu أفضل الذهاب إلى أحد المكاتب le حرف الجر à la base tu trouves dans la réponse qui est dans la question la plupart du temps ثالثا رابعا نعم الشقة خالية الآن. هل يجد شقة خالية؟ هل؟ هل الشقة خالية الآن؟ نعم. خامسا الشقة بنيت على الطراز الحديث. بنيت على ماذا شبيه؟ أو plutôt على ماذا بنيت؟ على ماذا بنيت؟ لكن لا لغة تمين تقول dire que tu dises كيف بنيت؟ الشقق الشقق مثلا هذا أحسن. parce que tu as dit la baisse mais que tu aurais dit كيف بنيت الشقق tu dis الشقق بنيت على الطراز الحديث. كيف ça aurait été plus approprié je pense. سادسا قرأت والإعلان أمس ماذا قرأت أمس؟ نعم. وتبقى دير متى قرأت الإعلان كذلك. سابعا لم أرى مثل هذه العمارات في حينا. نعم. تقول هل قد رأيت مثل هذه العمارات؟ تقول لم أرى مثل هذه العمارات في حينا. نعم. يرغب في شراء سيارة جديدة. ماذا يرغب؟ لا فهمت الحرف وش عرف وش المت. ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا يرغب؟ C'était le sabia. Il stamule que les kalimatin, taïeb dans les phrases. Tfadal, t'écoutes? Alors, j'ai mis, plusieurs phrases, j'ai pas réussi à faire. Anas, comment? Vous êtes quoi? J'ai mis. Uridu shaqatan fi wasat al-Medina, ça c'est la première. Je veux un appartement au milieu de la ville. Ahtajou ila matbakhin kabirin. Ça c'est la deuxième. Il est où? Ah, y'a. Mais, bon, je te l'accorde, mais tu n'as pas respecté les harakats du. J'ai pas les harakats. Tu les as pas? Ah, si, tu les as. On a le même livre, toi et moi. Mais bon, vas-y, je te l'accorde. Il est où? C'est où? Page 63. Tamad Bakhoun. خلاص قاس لك التمييز ان شاء الله. alors j'ai eu un autre. زيدون مشغول لانه بحث في الاعلان شققا عن بعث فمت عن دعيا عن شققا لا maintenant انت من حرف الجر على صاشون اللي يغلب عن شققين عن شققين شقاق c'est le genre de شقة. عن شقاقين مبنية هذا مبنية مبنية على أيوة على الطراز الحديثي نعم لكن ما وجد تعجب ليامو عن شقاقين للإيجار ولكن ما وجد ما وجد C'est quel mot que tu voulais mettre dedans? Je voulais mettre Shikafin l'Ijari. Ensuite, j'ai mis une troisième fois. Itma'in Yarab Fihayi Akhar Wafihi Mithra Hadin Humat. J'ai pas compris ta phrase. J'ai dit en gros. Itmain, ça veut dire quoi? Assure-toi. Assure-toi. Ah ouais, je souhaite. Itmain. J'ai oublié un mot, je crois. Je crois aussi. Ça veut dire je souhaite, il y aurait bouffé. Alors, rabou. راغبة يرغب أنا أرغب أرغب أي نعم النجد أرغب النجد النجد الذي نحتاج في حي آخر وفيه مثل هذه العبارات لكن أرغب تبي له في أما أرغب يا حرف وجهك يا نايا إي تو أنت فراز أرغب إثنين يرغب أرغب في تبلو لا سكو تبلو تبلو أرغب نعم إثنين نعم إلو أرغب إلو با دو سي يرغب يرغب نعم يمي يرغب نعم ta phrase, elle est itma'in. Elle a un sens, mais elle est mal construite. Répète là. J'ai oublié un mot, je pense. Yarabou, je voulais dire que rassure-toi, dans un autre. Je sais pas pourquoi Yarabou, je l'ai dit comme ça. Il n'est pas à sa place, ça. Je voulais dire rassure-toi, dans un autre quartier, on va trouver des. Il y a des immeubles comme celui-ci. Ah, bah, il y a des immeubles comme celui-ci. Mais vu que je voulais te lever le Yarabou, je sais pas pourquoi je l'ai dit cette phrase. Tu as voulu rentrer le rond dans l'étoile. Le rond dans l'étoile, comme je dis souvent. Ouais. C'est un trou avec une, un placement d'une étoile. Toi, tu as pris un rond, tu as voulu rentrer dedans. Mais il ne correspond pas. Ouais. Inch'Allah. Elle ensas aucun des kalimètes. Oh là, comme on l'avait dit, on les garde pour tous les cinq dars. C'est mieux. Inch'Allah. Khafif al-dars. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين